Voici le poème Les Feuilles mortes par Jacques Prévert. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais et que j'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.